Raphaël et la Fornarina par Joseph Méry. Chapitre 1er, la légende. Quand un artiste, comme Raphaël, s'éteint la fleur de son âge, toutes sortes d'histoires et de contes surtout, circulent autour de sa tombe ouverte, et les chroniqueurs recueillent tous ces bruits vrais ou faux pour en composer une histoire pittoresque et les livrent ensuite sans contrôle à la postérité. Ainsi, on a beaucoup écrit sur les amours de Raphaël et de la Fornarina, et comme toujours, on s'est beaucoup trompé. La version la plus probable est inédite, et elle existe en manuscrit dans la bibliothèque du savant antiquaire romain, M. Vescovali. C'est là que j'en emprunte le fond et les détails. Raphaël, retiré dans son casino du Bourgneuf, travaillait au carton de son triomphe de Galatée, et se plaignait souvent à ses amis et complaisants pourvoyeurs de la pénurie des modèles convenables aux chefs-d'œuvre qu'il rêvait. Il lui fallait surtout des femmes blondes, car excepté Pallas, qui est presque un homme, tout l'Olympe féminin est blond. Rome produit peu de blondes. C'est la faute du soleil qui brunit les mers et peint d'avance les filles avec la même teinte. Or, à cette époque de sa vie, Raphaël travaillait en pleine mythologie. Il était païen. Psyché, Cupidon, Amphitrite, Vénus, Galatée, avait exilé pour un temps de son atelier les madones brunes. Il venait de peindre en blonde sa belle jardinière, malgré le verset « Je suis brune et belle, nigra sum sed formosa », toujours religieusement observée par lui jusqu'à ce moment dans ses travaux religieux. Quelquefois le dimanche, il se rendait à Subiaco, à Tivoli, à Albano, à Genzano, à La Storta, dans tous ces charmants villages qui s'épanouissent autour de la grande ville, dans la campagne romaine, pour voir danser les jeunes filles, après vêpres, sous les pins et les couneries épais d'Ensas Corillos. Mais toutes ces fraîches et charmantes filles de la campagne avaient un superbe teint brun et des cheveux d'un noir d'érèbe. Pas un fil blond ne perçait sous la dentelle d'un front trop connu du soleil italien. Notre grand peintre, faute des modèles qu'il avait vainement cherchés en tant de lieux, dans Rome et autour de Rome, se trouvait donc exposé à voir s'éloigner indéfiniment l'époque assignée à la fin d'une œuvre impatiemment attendue.